Le secret de Lady Audley par Marie-Elisabeth Braddon. Tome 1er, chapitre 1er, Lucie. C'était par une avenue de tilleuls bordée de prairies qu'on arrivait dans la partie reculée d'un bas-fond planté d'arbres séculaires et couvert de luxuriants pâturages. Sur la hauteur, les troupeaux de bœufs semblaient vous regarder passer avec curiosité, s'étonnant peut-être de votre présence en cet endroit dénué de tout chemin, à moins que vous n'eussiez besoin d'aller au château. À l'extrémité de l'avenue, s'élevait un vieil arceau surmonté d'un campanile muni d'une lourde horloge détraquée, dont l'unique aiguille sautait brusquement d'une heure à l'autre sans parcourir les divisions intermédiaires. Passé ce portique, on entrait dans les jardins du château d'Audley. Devant vous s'étendait une pelouse unie, parsemée de massifs de rhododendrons, qui poussaient en cet endroit plus magnifique qu'en tout autre lieu du comté. À droite se trouvait le potager, le vivier, et un verger entouré par un fossé sans eau et un mur en ruine, plus épais qu'élevé, et entièrement couvert de traînées de lierre, d'orpins à fleurs jaunes et de mousse noirâtre. À gauche, une large allée sablée, qui, il y avait des années, lorsque la résidence était un couvent, avait servi de promenade à de paisibles nonnes. Un mur garni d'espaliers et ombragé d'un côté par de gros chênes qui masquaient le fond du paysage et enveloppaient les bâtiments et les jardins de leurs épais ombrages. Le manoir faisait face à l'arceau et occupait les trois côtés d'un quadrilatère. C'était une vieille construction, irrégulière et sans la moindre symétrie. Les fenêtres étaient inégales. Les unes avec de lourds meneaux en pierre enrichis de vitraux coloriés ou de frêles châssis qui remuaient avec fracas à la moindre brise, d'autres, plus modernes, semblaient avoir été construites de la veille. De grandes cheminées surgissaient çà et là sur la crête du toit, si ruinées par le temps et l'usage, qu'elles eussent paru prêtes à crouler s'ils n'avaient été soutenus par l'enchevêtrement du lierre qui envahissait le mur et la toiture même et venait les enlacer. Dans un coin d'une tourelle située dans un angle du bâtiment, une porte étroite avait l'air de se dérober à l'œil des curieux, comme désireuse de garder un secret, une magnifique porte pourtant, une porte de vieux chêne parsemée de gros clous de fer à tête carrée et tellement épaisse que le marteau, en retombant sur elle, lui faisait rendre un bruit sourd et que les visiteurs agitaient une sonnette perdue dans les feuilles de lierre, de crainte que le bruit du marteau ne puisse jamais se faire entendre dans l'intérieur de la demeure. C'était une vieille résidence qui ravissait tous ceux qui la visitaient, leur inspirant l'impatient désir de se retirer du monde et l'idée de venir se fixer là pour toujours, regarder dans les eaux fraîches de l'étang et compter les bulles produites à la surface de l'eau par les carpes et les gardons. Le calme semblait avoir choisi ce lieu pour asile, étendant sa main assoupissante sur les fleurs et les arbres, sur les eaux et les paisibles allées, sur les coins obscurs des vieux appartements à l'ancienne mode, les profondes embrasures ménagées derrière les vitraux peints, les prairies basses et les superbes avenues, et même sur le puits à l'eau stagnante, frais et abrité selon l'usage d'autrefois, et caché dans un bosquet derrière les jardins avec sa poulie paresseuse, qui n'avait jamais tourné, et sa corde pourrie, qui avait laissé tomber dans l'eau le seau qu'elle ne pouvait plus retenir. Au-dedans comme au-dehors, c'était une habitation magnifique, une habitation dans laquelle on aurait pu se hasarder seul sans s'égarer. Une habitation où aucune pièce ne faisait suite à une autre, chacune débouchant dans une chambre adjacente, qui aboutissait à une chambre au milieu de la maison, où un escalier étroit et contourné conduisait à une porte qui menait dans une partie du bâtiment dont on se croyait très éloigné. Une habitation dont le plan n'avait jamais été tracé par la main d'un architecte, mais était l'œuvre de ce vieil et excellent constructeur, le temps, qui ajoutant une chambre aujourd'hui, en démolissant une demain, renversant une cheminée contemporaine des Plantagenets, en élevant une dans le style des Tudors, ici jetant bas un pan de mur saxon, là érigeant un arceau dans le style normand, perçant une rangée de hautes fenêtres du règne de la reine Anne, et construisant une salle à manger de la bonne époque de Georges Ier de Hanovre, à la place du réfectoire qui existait depuis la conquête, avait fini, dans l'espace de 11 siècles, par produire une demeure telle qu'il eût été impossible d'en trouver une pareille dans tout le comté d'Essex. Dans une semblable maison, il existait naturellement des chambres secrètes, dont l'une avait été découverte par la petite fille du propriétaire actuel, Sir Michael Audley. Un jour qu'elle jouait dans la chambre des enfants, le parquet avait résonné sous ses pieds, et l'attention ayant été éveillée par ce bruit, on avait enlevé une partie du plancher, et on avait découvert une échelle conduisant à une cachette entre le parquet de la chambre des enfants et le plafond de la pièce inférieure, une cachette tellement étroite que pour s'y tenir, il fallait ramper sur les mains et les genoux et se coucher tout de son long, et cependant assez grande pour contenir un coffre de vieux chêne sculpté, à demi rempli de vêtements ayant appartenu à un prêtre, qui s'était probablement caché en cet endroit, dans ces jours malheureux, où il y avait danger de mort, pour qui donner asile à un prêtre catholique romain, ou pour qui faisait dire la messe dans sa maison. Le large fossé extérieur était sec et couvert d'herbe. Les arbres du verger, chargés de fruits, balançaient au-dessus leurs branches noueuses et éparses, qui formaient des dessins fantastiques sur la verdure des talus. Le vivier, comme nous l'avons dit, était dans l'intérieur de cette clôture. C'était une nappe d'eau qui s'étendait dans toute la longueur du jardin et bordait une avenue appelée l'allée des tilleuls. Une avenue si protégée du soleil et du ciel, rendue si impénétrable à l'œil par la voûte épaisse formée par les arbres, qu'elle semblait un lieu propice pour des conciliabules secrets ou pour des entrevues dérobées. Un lieu fait pour tramer un complot en toute sécurité ou pour prononcer des serments d'amour. Et pourtant, il était à peine à 20 pas du château. Cette sombre voûte de verdure était terminée par le bosquet où se trouvait le vieux puits dont nous avons parlé, à demi enseveli sous les branches entrelacées et les hautes herbes. Il devait avoir rendu de grands services autrefois, sans nul doute, et les nonnes y avaient peut-être puisé de l'eau fraîche avec leurs belles mains. Maintenant il était abandonné, et nul ne savait au château d'Audelay si la source en était tarie ou non. Malgré la solitude et le mystère de cette avenue de tilleuls, je ne pense pas qu'elle ait été jamais le théâtre d'événements romanesques. Souvent, à la fraîcheur du soir, Sir Michael Audley y fumait son cigare en se promenant en long et en large, son chien derrière ses talons et sa jeune et jolie femme gazouillant à côté de lui. Mais au bout de 10 minutes, le baronnet et sa compagne se lassaient du frissonnement des tilleuls, du calme de l'eau cachée sous les larges feuilles des nénuphars, et de la longue perspective de verdure avec le puits en ruine au bout. Alors, ils retournaient à leur salon blanc, où Milady jouait les rêveuses mélodies de Beethoven et de Mendelssohn jusqu'à ce que son mari s'endormît dans son fauteuil. Sir Michael Audley était âgé de 56 ans, et il avait épousé une seconde femme 3 mois après le 55e anniversaire de sa naissance. C'était un homme gros, grand et robuste. Il avait une voix basse et sonore, de beaux yeux noirs et une barbe blanche. Une barbe blanche qui lui donnait un air vénérable bien contre son gré, car il était aussi vif qu'un jeune homme et un des plus intrépides cavaliers du pays. Pendant 7 années, il était resté veuf avec une fille unique, Alicia Audley, âgée alors de 18 ans et nullement satisfaite de voir venir une belle-mère s'installer au château, car Miss Alicia avait été suprême maîtresse dans la maison de son père depuis sa plus tendre enfance. Elle avait tenu les clés, elle les avait fait sonner dans la poche de son tablier de soie, elle les avait perdues dans le bosquet, elle les avait laissées tomber dans le vivier, et avait causé à leur sujet toute espèce de tracas du jour où elle était entrée dans sa 13e année, et s'était, en conséquence de tout cela, illusionnée au point de se croire sincèrement, pendant tout cet espace de temps, l'ordonnatrice de la maison. Mais aujourd'hui le règne de Miss Alicia était passé, et lorsqu'elle demandait la moindre chose à la gouvernante, celle-ci lui répondait qu'elle en parlerait à Milady, qu'elle consulterait Milady, et que, si Milady le voulait, elle le lui donnerait volontiers. Aussi, la fille du baronnet, qui montait parfaitement à cheval et avait un joli talent de peintre, passait-elle la plus grande partie de ses journées hors de la maison, chevauchant dans les sentiers verts bordés de haies, faisant des croquis des enfants des chaumières, des garçons de charrues, des troupeaux, et de tout être vivant qui se trouvait sur son passage. Elle se refusa, avec une détermination obstinée, à se lier intimement avec la jeune femme du baronnet, et, tout aimable qu'était celle-ci, il lui fut complètement impossible de surmonter les préventions et l'éloignement d'Alicia, ou de convaincre la jeune fille dépouillée de ses privilèges qu'elle ne lui avait pas fait un tour cruel en épousant Sir Michael Audley. Lady Audley, à la vérité, en devenant la femme de Sir Michael, avait fait un de ces mariages de nature à tirer sur une femme l'envie et la haine de toutes les autres femmes. Elle était venue dans le pays en qualité d'institutrice, dans la famille d'un chirurgien qui vivait dans un village voisin du château de Audley. On ne savait sur elle qu'une chose, c'est qu'elle avait répondu à un avis inséré dans le journal The Times par M. Dawson, le chirurgien, et qu'elle avait renvoyé, pour les renseignements, à la directrice d'une institution de Brompton, où elle avait été précédemment sous-maîtresse. Mais ceci avait été si satisfaisant qu'on avait cru inutile d'en prendre d'autres, et que Miss Lucy Graham avait été agréée par le chirurgien comme institutrice de ses filles. Les qualités, si brillantes et si nombreuses, faisaient paraître étrange qu'elle eût répondu à un avertissement offrant une rémunération aussi médiocre que celle proposée par M. Dawson. Mais Miss Graham semblait parfaitement satisfaite de sa position et enseignait aux jeunes filles à jouer les sonates de Beethoven, à copier les dessins d'après nature de Creswick, et traversait le triste village enfoui dans les terres trois fois le dimanche pour se rendre à l'humble petite église, aussi contente que si elle n'eût eu de plus haute aspiration dans ce monde que d'agir ainsi le reste de sa vie. Ceux qui l'observaient s'accordaient à dire que c'était une douce et aimable nature, toujours riante, toujours heureuse et s'accommodant de tout. Partout où elle allait, elle semblait apporter avec elle la joie et la lumière. Dans la chaumière du pauvre, son beau visage brillait comme un rayon de soleil. Elle s'asseyait volontiers un quart d'heure pour causer avec une vieille femme et paraissait aussi heureuse de l'admiration de la mégère édentée que si elle eût écouté les compliments d'un marquis. En se retirant, elle ne laissait rien derrière elle, car son modique salaire ne lui permettait pas le plaisir de la charité, et la vieille femme, néanmoins, ne manquait pas de lui témoigner tout son ravissement pour sa grâce, sa beauté et son affabilité, comme elle ne l'avait jamais fait pour la femme du vicaire, qui l'avait presque toujours nourrie et habillée. Miss Lucy Graham, on le voit, était douée de ce magique pouvoir de fascination qui permet à une femme de charmer avec un mot ou d'enivrer avec un sourire. Tout le monde l'aimait, l'admirait et faisait son éloge. Le garçon qui ouvrait la barrière sur son passage courait raconter à sa mère, avec quels aimables regards et avec quelle douce voix, elle l'avait remercié pour son petit service. À l'église, le bedeau qui lui ouvrait le banc du chirurgien, le vicaire qui voyait ses beaux yeux bleus fixés sur lui pendant qu'il prêchait son simple sermon, le messager qui venait quelquefois lui apporter de la station du chemin de fer une lettre ou un paquet, sans jamais s'attendre à une gratification, ceux qui l'employaient ou qui lui rendaient visite, ses élèves, les domestiques, tous, grands ou petits, unissaient leurs voix pour déclarer que Lucy Graham était la plus charmante fille qui eût jamais existé. Ce cri unanime avait-il pénétré jusque dans les appartements silencieux du château de Audley, ou était simplement l'effet produit par le charmant visage se montrant chaque dimanche matin dans le banc du chirurgien? Toujours est-il que Sir Michael Audley éprouva un violent désir de faire plus ample connaissance avec l'institutrice de M. Dawson. Il n'eut qu'à s'en ouvrir au digne docteur, qui s'empressa d'organiser une petite réunion à laquelle furent invités le vicaire et sa femme, le baronnet et sa fille. Cette délicieuse soirée décida du sort de Sir Michael. La tendre fascination de ses yeux bleus si doux et si touchants, la gracieuse élégance de ce cou svelte et de cette tête penchée avec ses splendides boucles de cheveux aux reflets dorés, cette charmante voix qui résonnait comme une suave mélodie, la parfaite harmonie qui régnait dans tous ses charmes et donnait un double attrait aux enchantements de cette femme, toutes ces séductions enfin le subjuguèrent. Il lui fut aussi impossible d'y résister que de se soustraire à sa destinée. La destinée. Vraiment, cette femme était sa destinée. Il n'avait jamais aimé auparavant. Qu'avait été son mariage avec la mère d'Alicia? Une triste affaire, une espèce de contrat, passé pour conserver dans la famille une propriété qui aurait bien pu en sortir sans cela. Qu'avait été son amour pour sa première femme? Une pâle, pitoyable et vacillante étincelle, trop minime pour être éteinte, trop faible pour brûler. Mais cette fois, c'était l'amour. Cette fièvre, avec ses désirs impatients, cette vague et misérable incertitude, cette terrible crainte que son âge ne fût un obstacle insurmontable à son bonheur, cette maudite barbe blanche qu'il détestait, cette envie effrénée de redevenir jeune, d'avoir une belle chevelure noire et une taille élancée comme à 20 ans, ses nuits sans sommeil et ses jours pleins de tristesse, si rayonnants s'il avait le bonheur d'entrevoir la suave figure derrière les rideaux de croisée lorsqu'il avait dépassé la maison du chirurgien. Tous ces symptômes révélaient la vérité et disaient trop clairement que Sir Michael Audley, à 55 ans, était atteint de la terrible fièvre qu'on appelle l'amour. Je ne pense pas que le baronnet eût compté d'abord sur sa fortune, ou sur sa position, pour décider le succès de ses recherches amoureuses. S'il eut cette pensée, il dut la repousser avec horreur. Il eût été trop pénible de croire un instant qu'une personne aussi aimable et aussi pure pût se donner en retour d'une riche maison et d'un vieux titre de noblesse. Non. Il espérait qu'ayant eu une existence toute de travail et de dépendance étant très jeune, nul ne connaissait exactement son âge, et elle paraissait avoir un peu plus de 20 ans, elle n'avait dû avoir aucun attachement. Il espérait, se trouvant le premier à s'occuper d'elle, pouvoir, par ses attentions délicates, par une généreuse sollicitude, par un amour qui lui rappellerait le père qu'elle avait perdu, par une protection qui lui deviendrait nécessaire, subjuguer son jeune cœur et obtenir une promesse de sa main, uniquement de son libre et premier amour. Véritable roman d'un jour, qui malgré tout semblait être en bonne voie de se réaliser. Lucy Graham ne paraissait en aucune façon dédaigner les attentions du baronnet. Il n'y avait rien cependant dans ses manières des ignobles artifices employés par les femmes qui désirent captiver un homme riche. Elle était si habituée à l'admiration de tous, petits et grands, que la conduite de Sir Michael fit très peu d'impression sur elle. Au reste, il était resté veuf si longtemps qu'on avait abandonné l'idée qu'il se remariât jamais. À la fin, cependant, Mrs. Dawson aborda ce sujet avec l'institutrice. La femme du chirurgien était assise dans la chambre d'études, occupée à travailler, pendant que Lucy donnait les dernières touches à quelques aquarelles faites par ses élèves. « Savez-vous, ma chère Miss Graham, dit Mrs. Dawson, que vous devez vous considérer comme une fille très heureuse ?» L'institutrice releva sa tête penchée sur son ouvrage et regarda avec étonnement sa maîtresse, en rejetant en arrière une ondée de boucles de cheveux, les plus merveilleuses boucles du monde, soyeuses et légères comme du duvet, flottant sans cesse près de sa figure et formant une pâle auréole autour de sa tête quand le soleil les éclairait. « Que dites-vous, ma chère Mrs. Dawson ? » demanda-t-elle en trempant son pinceau dans le bleu de mer broyé sur sa palette et en l'arrangeant avec soin avant de le poser sur la délicate bande de pourpre qui illuminait l'horizon dans l'aquarelle de son élève. « Oui, ma chère enfant, je dis qu'il ne dépend que de vous de devenir Lady Audley et la maîtresse du château d'Audley. » Lucy Graham laissa tomber le pinceau sur la peinture, devint écarlate jusqu'à la racine de ses beaux cheveux, puis pâle, encore plus pâle, que ne l'avait jamais vue Mrs. Dawson. « Ma chère enfant, ne vous troublez pas ainsi, » dit doucement la femme du chirurgien. « Vous savez que personne ne vous oblige à épouser Sir Michael si vous ne voulez pas. Ce serait cependant un magnifique mariage. Il a des revenus considérables, et il est le plus généreux des hommes. Votre position serait élevée, et vous pourriez faire beaucoup de bien. Mais, comme je vous le disais, vous devez être complètement guidé par vos propres sentiments. » Je dois seulement ajouter que dans le cas où ces attentions ne vous seraient pas agréables, il sera réellement peu honorable de votre part de les encourager. « Ces attentions ? L'encourager ? » murmura Lucy, comme désorientée par ces paroles. « je vous en prie, Mrs. Dawson, ne me parlez plus ainsi. Je n'ai aucune idée de tout cela. C'est la dernière chose à laquelle j'aurais pensé. » Elle appuya ses coudes sur la table et entrelaçant ses mains sur sa figure, elle sembla réfléchir profondément pendant quelques minutes. Elle portait autour du cou un étroit ruban noir qui retenait un médaillon, une croix ou une miniature peut-être, mais cet objet, quel qu'il fût, restait continuellement caché dans ses vêtements. Une fois ou deux, pendant qu'assise elle réfléchissait en silence, elle retira une de ses mains de devant sa figure et saisit le ruban avec un mouvement nerveux, le tirant d'un air à demi boudeur et le tournant en tous sens entre ses doigts. « Je crois qu'il y a des êtres prédestinés au malheur, Mrs. Dawson, » dit-elle bientôt. « Ce serait pour moi une trop grande bonne fortune que de devenir Lady Audley. » Elle prononça ces mots avec un tel accent d'amertume que la femme du chirurgien leva les yeux sur elle avec surprise. « Vous, prédestinée au malheur, ma chère enfant, » s'écria-t-elle, « je pense que vous devriez être la dernière personne à parler ainsi. Vous, une créature si gaie, si heureuse, que chacun prend plaisir à vous voir. » « Certes, je ne sais trop comment nous ferions si Sir Michael vous enlevait de chez nous. » Après cette conversation, elles revinrent souvent sur le même sujet. et Lucie ne montra aucune émotion en quelque occasion que l'on discutât l'admiration du baronnet pour elle. C'était chose tacitement convenue dans la famille du médecin que le jour où Sir Michael se proposerait, l'institutrice l'accepterait volontiers, et en vérité, les Candy Dawson auraient taxé d'acte de folie le rejet d'une telle offre de la part d'une fille sans fortune. Un soir, vers le milieu du mois de juin, Sir Michael était assis en face de Lucy Graham, devant une croisée du petit salon du chirurgien. La famille étant sortie de l'appartement par suite d'une circonstance quelconque, il profita de l'occasion pour entamer le sujet si cher à son cœur. En quelques mots solennels, il fit l'offre de sa main à l'institutrice. Il y avait quelque chose de touchant dans la manière et dans le ton à moitié suppliant avec lequel il s'adressa à elle. Pouvant à peine espérer d'être agréé par cette belle jeune fille, il la priait de le plutôt repousser, quoique ce refus dût lui briser le cœur, que d'accepter son offre si elle ne devait pas l'aimer. « Je ne pense pas, Lucie, dit-il avec solennité, qu'une femme puisse connaître une plus grande faute que d'épouser un homme qu'elle n'aime pas. Vous m'êtes si chère, ma bien-aimée, que malgré le profond attachement que j'ai pour vous, et malgré toute l'amertume que me donne la seule pensée d'un refus, je ne voudrais pas vous voir commettre une telle faute au prix de toute ma félicité. Si mon bonheur pouvait être accompli par une telle action, ce qui ne pourrait pas arriver, répéta-t-il avec vivacité, le malheur seul serait le résultat d'un mariage inspiré par tous autres motifs que la sincérité et l'amour. » Lucy Graham ne regardait pas Sir Michael, mais avait les yeux fixés au dehors, sur les vapeurs du crépuscule et sur le paysage confus qui s'étendait derrière le petit jardin. Le baronnet essaya d'apercevoir son visage, mais elle ne lui présentait que son profil et il ne put saisir l'expression de ses yeux. S'il eût pu le faire, il remarquait un regard inquiet qui semblait vouloir percer l'obscurité lointaine et distinguer au-delà, bien au-delà, dans un autre monde. « Lucie, vous m'entendez ?»« Oui, » dit-elle gravement, mais non avec froideur, et ne paraissant en aucune façon offensée par ses paroles. « Et votre réponse ?» Elle ne détourna pas son regard du paysage enveloppé dans les ténèbres, et resta pendant quelques instants complètement silencieuse. Tout à coup, se tournant vers lui, avec une passion soudaine qui illuminait son visage d'une nouvelle et merveilleuse beauté que le baronnet aperçut même dans l'obscurité grandissante, elle tomba à ses pieds. « Non, Lucie, non, non » s'écria-t-il vivement. « Non, pas là, pas là !»« Si, là, là !» dit-elle avec une passion étrange qui l'agitait et rendait le son de sa voix aigre et perçant, non criard, mais d'un éclat surnaturel. « Là, et pas ailleurs !»« Que vous êtes bon !» Que vous êtes noble et généreux, mon ami. Certes, il ne manque pas de femmes 100 fois supérieures à moi qui pourront vous aimer tendrement, mais vous m'en demandez trop, vous m'en demandez trop. Songez à ce qu'a été ma vie, songez seulement à cela. Dès ma plus tendre enfance, je n'ai vu que pauvreté. Mon père était un gentilhomme, instruit, accompli, généreux, beau, mais pauvre. Ma mère, mais ne parlons pas d'elle. Je n'ai éprouvé que misère, pauvreté, épreuve, vexation, humiliation, privation de toutes sortes. Vous ne pouvez savoir, vous qui vivez parmi ceux dont la vie est si douce et si facile, vous ne pouvez figurer tout ce que nous avons à endurer, nous autres, pauvres êtres. Ne m'en demandez pas trop alors. Je ne puis pas être désintéressé, je ne puis pas fermer les yeux aux avantages d'une telle alliance, je ne puis pas, je ne puis pas. » Outre sa surexcitation et l'impétuosité de sa passion, il y avait quelque chose d'indéfinissable dans ses manières qui remplit le baronnet d'une vague frayeur. Elle restait à ses pieds sur le parquet, tapis plutôt qu'agenouillé, ses vêtements blancs et légers collés sur elle, sa blonde chevelure ruisselant sur ses épaules, ses grands yeux bleus brillant dans l'ombre, et ses mains crispées sur le ruban noir qui serrait son cou comme s'il eût dû l'étrangler. « Ne m'en demandez pas trop, » continua-t-elle de répéter. J'étais intéressé dès mon enfance. Lucie, Lucie, expliquez-vous. Avez-vous de l'éloignement pour moi? De l'éloignement pour vous? Non, non. Mais alors, il y a quelqu'un que vous aimez? Elle partit d'un éclat de rire à cette question. Je n'aime personne dans le monde, répondit-elle. Quoique enchanté de cette réponse, le rire étrange de Lucie et ses quelques mots vibrèrent dans le cœur de Sir Michael. Il garda quelques instants le silence, puis il dit avec un certain effort « Bien, Lucie, je ne veux pas trop vous demander. Je suis un vieux fou. Mais si vous n'avez pas d'éloignement pour moi, et si vous n'en aimez pas un autre, je ne vois pas de raison qui nous empêche d'être heureux. C'est une association, Lucie. Oui. » Le baronnet la souleva dans ses bras, lui donna un baiser sur le front, et puis, après lui avoir tranquillement souhaité une bonne nuit, il sortit de la maison et courut droit devant lui. Il courut droit devant lui, ce vieil enfant, parce qu'une certaine émotion s'emparait violemment de son cœur. Ce n'était pas de la joie, ce n'était pas le plaisir du triomphe, mais quelque chose ressemblant presque à du désappointement, une espèce d'aspiration étouffée et déçue qui pesait lourdement sur son cœur, comme si elle avait porté la mort dans son sein. C'était la mort de cet espoir qui venait d'expirer à la voix de Lucie. Tous ses doutes, toutes ses craintes, toutes ses aspirations timides venaient de finir. Il devait se contenter, comme les hommes de son âge, de se marier pour sa fortune et sa position. Lucie Graham monta lentement l'escalier qui conduisait à sa petite chambre, au faîte de la maison. Elle plaça sur la commode son bougeoir qui répandait une lumière douteuse et s'assit sur le bord de son lit blanc, calme et blanche comme les rideaux drapés autour d'elle. Plus de dépendance, plus d'occupation servile, plus d'humiliation, dit-elle. Toute trace de la première existence effacée, tout vestige indicateur d'identité enseveli et oublié, excepté cela, excepté cela. Pendant ce temps, sa main gauche n'avait pas abandonné le ruban noir noué autour de son cou. Elle le retira de son sein en prononçant ces paroles et fixa l'objet qui y était attaché. Ce n'était ni un médaillon, ni une miniature, ni une croix. C'était un anneau enveloppé dans un long carré de papier. Ce papier, moitié imprimé, moitié écrit, était jauni par le temps et chiffonné par des plis nombreux.